Instruis mon âme, Jésus, à t'adorer. Instruis mon être, Jésus, à t'exalter. Car nuit et jour, mes faiblesses m'envoient péché. Et ton amour, Jésus, calme ta main, pour me frapper. Pour me frapper. Et tu me couvres par ton amour, Jésus. Jésus parfait mourut à la croix pour moi, imparfait. Oh ouais. Jésus, toi qui es digne, toi qui es digne, accepta la mort pour moi, indigne. Toi qui n'as pas commis d'erreur, tu acceptas la mort pour mon horreur. Jésus, ton sang coula, à Golgotha, pour me laver, et tu me couvres, Jésus. Jesus Christ, Lord, you died upon the cross just to save, just to keep me. You spoil all my enemies, Jesus. You are holy. You are holy. Nobody's like.